face est une psychiatrie, nous sommes le seul secteur qu'il a. Vive Docteur Serra! Moi, je suis la maman de Mélina. Oui, oui, maman de Mélina, merci d'être là. Ça fait longtemps que tu venais pas, maman de Mélina. Ouais, tu dis pas mon prénom. Ouais, je sais, maman de Mélina, c'est toi. Mets-moi le micro. Oui. Ouais. J'ai fait un rêve. Lequel? J'ai rêvé que je suis, j'ai rêvé que Déby, un quelqu'un qui travaille ici. Oui. Je suis morte en fait dans mon rêve. Et Déby m'accompagne pendant ma mort. Il me dit, voilà ce qui s'est passé dans ta vie. Il s'est passé ça, ça, ça. Si tu arrives à tout pardonner, tu pourras peut-être rejoindre le paradis. Et alors, dans ma vie, pendant que j'étais dans la tombe, à un moment donné, j'ai tout réussi à me pardonner. Et à un moment donné, j'entends une voix qui me dit, hey, c'est le moment. Du coup, je me lève de ma tombe, je me retourne en arrière, je vois de la fumée qui sort de la tombe. Je vois, il arrive la même chose avec ma mère. Ma mère est meurt, erronée. Ma soeur est meurt, erronée. Ma fille, ma petite fille qui a 1 an et 3 mois, elle meurt erronée. Je leur dis à tout le monde, c'est bon, nous sommes tous au paradis. Et à cet instant précis, je me rappelle de mon frère. Ouais. Et je retourne dans la tombe en criant. Ouais. Alors j'ouvre les yeux à ce moment-là, je me réveille, je vois la silhouette de mon frère dans la chambre. Je ferme les yeux, je rouvre, il n'était plus là. Ça s'est passé pour de vrai il y a une semaine ou deux. Ah oui? Oui. Et qu'est-ce que tu penses de ce rêve? Je ne sais pas. Peut-être que Dieu a essayé de me donner une deuxième chance. Parce que quand vous a dit Docteur Serra, il vous a dit la vérité. Oui, non, mais puis tu as ressuscité. Je suis ressuscité. Mais je suis retourné dans la tombe, donc je ne suis pas vraiment ressuscité. Bah, parce que je n'ai pas réussi à me pardonner tout envers mon frère. Ouais. C'est ça que j'ai capté, moi, d'après mon rêve. Oui, mais tu as toute la vie pour pardonner les gens, les choses. Il faut que je pardonne d'abord à moi-même. C'est exactement. Les conneries que je me fais tout le temps. Si on ne se pardonne pas soi-même, on ne peut pas pardonner les autres. Je voudrais bien que Barbara nous dise bonjour, parce que j'aime bien sa voix sexy. Est-ce qu'on peut donner un micro à Barbara? Bonjour. Bonjour, ouais. Barbara, je t'adore, tu es très belle. C'est bien qu'on est là, merci. On est tous là. Okay. Moi, je suis la maman de Mélina, il y a Barbara avec nous, il y a le monsieur qui s'appelle... Micro, Fabien, il y a micro. Jason, il y a le chinois marron, ouais, il y a Docteur Hero, il y a Vincent, il y a Flo, il y a Keke, Kevin Le Goff, et surtout n'oubliez pas notre animateur secret, que je vais vous avouer son nom, Martin Bacco, et moi je suis la maman de Mélina, ouais. Si vous voulez connaître mon nom, il faut payer, ouais. Et en plus, Vincent, il a dit que s'il était un animal, il serait un singe. Oh, il a dit ça. Oui, il a dit ça. C'est pas Vincent. Tu peux répéter le chinois marron. Tu peux répondre. Yo, yo, yo, yo. Ah, j'ai raté le monsieur qui se cache dans le fauteuil. Comment tu t'appelles, monsieur? Comment tu t'appelles? Sage. Tu t'appelles Sage? Il y a le monsieur Sage qui est également avec nous, mesdames et messieurs. Écoutez, radio Métanoïque sur peanut.org. Ouais, est-ce que tu peux présenter tout le monde parce que tu es en force? Je viens de présenter tout le monde. Non, tu as juste présenté Fabien. J'ai présenté Fabien, Jason, Barbara, le chinois, Vincent, Docteur Hero, Flo, Kevin Le Goff, le Sage, toi. Martin Bacro et moi, maman de Mélina. Qui a eu un rêve magnifique. Est-ce que vous avez entendu les rêves déjà? Est-ce que quelqu'un a entendu mon rêve? J'ai besoin de le répéter parce qu'il est long. Vous l'avez entendu les rêves, tout le monde? J'ai entendu, moi. Qu'est-ce que vous... Ouais, je pense. C'est un rêve où je suis morte et je suis ressuscitée. Je suis pendant ma quête dans mon rêve, où je suis morte et je vais à différents passages de ma vie, j'étais accompagnée par des biens, un soignant qui est d'ici. Ouais. Il me dit, voilà ce que tu as fait ici de bien, voilà ce que tu as fait ici de mal. Et ensuite, à un moment donné, dans mon rêve, quelqu'un me dit, hey, oh, j'ai réussi à me pardonner en fait tous mes erreurs et tous mes problèmes que j'ai fait, toutes les conneries que j'ai fait, j'ai réussi à les pardonner dans mon cœur. Et quelqu'un m'a dit, eh oui, c'est l'heure de se lever. Je me lève de la tombe, je me retourne en arrière, je vois de la fumée qui sort de la terre. Et là, il arrive la même chose à ma mère, ma soeur et ma fille. Toutes les trois, elles meurent et elles ressortent de leur tombe. Parce que c'est moi, je leur dis, c'est facile, il faut juste que tu te pardonnes. Et ensuite... Je retourne dans la tombe parce que je repense à mon frère qu'il était exclu pendant tout le long de ce rêve. Ouais. Alors je repense à mon frère et je commence à crier. Je retourne dans la tombe à nouveau. Et je me réveille, j'ouvre les yeux, je vois la silhouette de mon frère dans la chambre. J'ai refermé les yeux, j'ai rouvert les yeux, il n'était plus là. Voilà pour mon rêve. Oui, mais c'est intéressant parce que tu vois toutes les femmes de ta famille, ta mère, ta sœur. Toute la famille en est mort, excepté mon frère. C'est un homme. C'est un homme. Ouais. Donc l'homme, il reste le diable, quoi qu'il arrive. Et ta fille n'est pas là ? Parce qu'il est masculin. Yo. Ma fille, elle est avec ma mère. Mais dans les rêves, elle apparaît pas. Dans les rêves, non. J'ai juste vu ma mère, j'ai aperçu le sourire de ma sœur, mais ma fille, je l'ai pas vue. Ouais. Je ne l'ai pas vue genre mourir et se renaître. Oui. Je savais qu'elle était morte et ressuscitée. Jason, elle fait les effets spéciaux du rêve là. Ouais, vas-y, c'est Jason. Vas-y, Jason, fais les effets spéciaux. Je te mets un peu d'effet. Vas-y. Fais fou. Yo. Tu vas rapper pour nous, yo, je le sens très fort, yo. Je suis pas une rappeuse, je suis une écrivaine. Je suis peut-être une poétesse, ça rime avec des S. Ouais. Ivana, pour vous, mesdames et messieurs. Docteur Euro, tu vas où? Lave-toi les mains. Lave les lunettes. Bah, j'aime bien Ivana quand tu es là parce que tu as peur de la patate. J'ai de la patate, mais au bout de 10 minutes, ça va ensoler, je vais me casser. Tu connais bien. Mais oui, mais au moins tu as 10 minutes déjà qui tu nous impulses, nous propulses. Vive Dr. Sera qui nous a créé la radio secteur 14 de Bondy 9-3. Vive la France. C'est Ayam, c'est Kouchen, c'est Bruno Lopez. Ça, c'est le chinois marron qui a parlé, pour ceux qui n'ont pas compris. C'est Pat. Pat Chaka. Barbara, tu veux nous parler de quoi aujourd'hui? Barbara, nous allons venir en très beau. Micro. De mes pensées, un peu de philosophie. Vas-y, voilà. Barbara, je t'écoute avec plaisir. Bah, quand ça commence, tu te commenceras en live? C'est vrai, pour l'instant, on passe que sur Internet. Elle est Internet et j'enregistre. Et tu veux pas donner un numéro de téléphone direct pour qu'on puisse t'appeler? Oui. Parce que la dernière fois on a essayé, on n'a pas trouvé. On a appelé l'accueil, elle a pas voulu se déplacer jusqu'à là. Oh, ils sont méchants. Je te jure. Il faut dire à Pedro qu'il nous donne un téléphone permanent. C'était Sandrine. On va dire que. On va lui tirer les oreilles, docteur Hero. Vas-y, parce que j'ai voulu joindre la radio, j'étais externe. Ouais. Tu veux, mais en fait, donne un numéro pour qu'on puisse t'appeler. Vous m'appelez sur mon numéro en ce moment-là. Bah, donne-moi ton 06 58 49 01 01, mais pas tout le temps. 06 58 48 49 01. Non, ouais. J'ai pas compris. Non, mais après, je dis maintenant. Après, je te donne le mien pour après. Tu mais là, aujourd'hui, un... pour aujourd'hui, on va appeler sur comme ça. Si quelqu'un veut te joindre, imagine Farouk qui veut appeler. Pedro, il va nous donner un numéro spécial pour la radio. Un numéro spécial, il a promis. Quelle est la radio? Vive Docteur Serra. Qui répète avec moi? 1, 2, 3. Vive Docteur Serra. Docteur Serra, est-ce que t'es là? Si t'es pas là, viens vite nous rejoindre. Par ci, par là. Il est là, Docteur Serra, il est là. Il est juste derrière toi. Yo. Le chinois marron, ouais. Il a plein de vitamines à dépenser. Jason est en transe aussi, regarde. Vas-y, Jason. Yo. Jason nous fait des effets spéciaux aujourd'hui. C'est ça? Jason, c'est notre rappeur. Jason, il est malgré connecté. Que Vincent, il fait du rap. Vincent. C'est moi le rappeur. Vas-y, Vincent, fais-nous un essai. On n'est pas encore en effet. C'est le rappeur. Yo. Ouais, c'est Vincent Black avec Melissa et Melinda et Fabien et Kevin Pierce. C'est Vincent Black 340. Ouais. Avec Radio Metaya. C'est pas mal pour un début. Vous pouvez rigoler dans les micros, s'il vous plaît. Qui? L'album, il sort bientôt. L'album, il sort bientôt. Vincent de Villèvre, 9-3, Bondy, France. Il sera bientôt connu, il va me donner l'argent. Comment il s'appelle ton album, Vincent? Comment s'appelle ton album? Prenez garde. Beau. L'album s'appelle Prenez garde, il va sortir dans combien de temps? L'album arrive. Bientôt. Il y a pas un autre micro? Si, il y a plein de micros là, il y en a 6 micros. On peut aller encore. Fabien, tu peux le prêter le micro? On peut aller encore fois, Barbara, on dit. Pour l'instant, après. Pour 10 euros? Pour 0? Et moi, je vous fais une coupe pour un euro. Il coupe de quoi? Il coupe de quoi? Coupe les cheveux pour un euro. Il coupe les cheveux à l'âche, c'est ça? Un euro, je vais couper. Il n'y a pas besoin. Il coupe les cheveux à l'âche ou à la flèche? Comme ça. Ou au pistolet. Ouais. Vincent, tu t'entends? Vas-y. Ouais. Ça marche pas. Si ça marche, ça marche. Attends, quel numéro est? Quel numéro? Il est sur le micro, le numéro. Le numéro du micro est marqué sur le micro lui-même. 4, vas-y, je te monte un peu le volume, vas-y. Ouais. C'est Vincent Black, René Gard. Prenez garde. C'est Vincent, Vincent, Vincent Black. Prenez garde. C'est bien avec le cœur. Non, c'est bien à deux. Bien, on chante une chanson à deux. Chali chay, chay chay, chali ya, chali chay, chay chali ya. Je suis normal, on chante avec moi, mesdames et messieurs, pour vous spécialement. La maman de Mélina, vous avez déjà oublié le nom. Ouais, la maman de Mélina. Ici, faut pas dire c'est quoi. Attends, Jason, il est en freestyle, vas-y. Yo, yo, ici c'est Paris, ici. Vas-y, fort, on t'écoute. Yo, la bombe arrive, la bombe arrive. Il te faut un instru. Tu as un instru? On peut te mettre un instru comme ça tu joues dessus. Tu as un instru sur ton téléphone ou pas? Non. Non. Est-ce que tu as un instru, Vincent, pour lui? Non, j'ai pas de téléphone. Non, pas de téléphone. Bah, moi, mon téléphone marche à peine. Mais on va essayer de trouver un instru sinon. Ok. Oui, allez-y. On prépare l'émission là. Il est 35. À moins de 5, on se lance direct. Okay. Fabien. Oui. Est-ce qu'il y a moins 5? Est-ce qu'il y a moins 5? Tu penses qu'on va tous se suicider? Ah non. Attends. Jamais. Enfin, j'espère le moins souvent possible. Tu viens, Pedro, après? Fabien, est-ce que tu penses que tu es un animal? Un animal qui est un hippopotame? Je suis un animal humain. Donc c'est les deux, animal et humain. Le centaure, c'est ça? Centaure, oui, c'est pas mal, ouais. Je suis sagittaire d'ailleurs. Le cheval, le ouais, avec une avec un arc. Je suis lion, moi. Qui tire des flèches du coup, ouais. Bah. Je suis lion. Le centaure, c'est un le corps d'un homme. C'est le buste, le corps d'un homme sur le corps d'un cheval. C'est ça le centaure? C'est ça, ouais. C'est ça. Et t'en connais d'autres? Des centaures? Ouais, non, d'autres humains, mélange d'animaux humains, hommes et femmes, animal. Le centaure, la sirène. Ça me vient pas. Tiens, par exemple, Médusa, tu connais Médusa? La femme serpent avec des cheveux en serpent. En serpent, oui. Ça comme dans le film Hercule. Enfin, j'ai connu. Oui, Hercule. Et aussi le choc des titans. Ouais. D'accord. Et aussi la colère des titans. Mais le premier, le choc des titans, dans le film, il y a Médusa. C'est la femme qui a un corps de serpent. Alors, ça fait 10 mètres de long. Ouais. Et des cheveux. Elle a des cheveux. C'est des serpents. En forme de serpent. Je connais les cerbères aussi. Voilà. Les chiens. Alors, je sais pas s'ils sont humains, les cerbères, trop, mais. Non, ils ne sont pas humains, non, ouais. Je crois pas. Bah, y en a plein dans la. C'est des chiens, ils ont une tête de chien, je crois. ils gardent les portes des enfers, je crois. Je crois que c'est ça. Ce dont on parle, ça concerne la mythologie grecque, par exemple. Oui. C'est-à-dire, oui, je crois. Enfin, il y a plein de mythologies. Oui. Mais là, on peut parler de la mythologie grecque, la mythologie égyptienne, etc. Mais là, par exemple, quand je parle de Médusa, la femme serpent. Son pouvoir à elle, c'est que quand elle regarde quelqu'un dans les yeux, la personne se change en pierre et elle meurt. Tu l'as vu le film, oui. Le choc des titans? Non, j'ai pas vu le film, mais... Vous l'avez vu? J'ai joué à un jeu où effectivement, quand elle lance son regard, quand elle lance son regard, ça fige la personne. Si tu la regardes droit dans les yeux, ça change les humains en pierre, en statue de pierre. Donc, il y avait que le mec avec le scorpion. Scorpion qu'elle apparaît ici à Saint-Jean-Pierre. Yo. Ouais, il y en a qu'un seul qu'elle a pas réussi à changer en pierre, c'est l'homme scorpion. Ouais. Parce qu'il a les yeux bleus, Mais lui, il a explosé. Ouais, elle l'a explosé avec sa queue de serpent. Ouais. Elle l'a enroulé comme ça, ouais. Avec sa queue de serpent qui fait, je sais pas, ça fait plusieurs mètres de long, je sais pas combien. Et elle a serré tellement fort qu'il a explosé, le gars. Ouais. C'est pas très cool. Non, enfin, il y a beaucoup de films américains qui traitent. Avec les êtres surnaturels, justement. Voilà. Là, on parle des c'est super ton sujet. Des hommes. On va parler de ça. Moitié homme, moitié animal. Par exemple, dans la série, tu te rappelles la série où il y avait un homme qui se transformait en panthère noire? L'homme animal, voilà, c'est ça. L'homme animal. La série américaine où il y a un homme qui pouvait se changer en panthère noire, en aigle. Le, le, le, en aigle aussi, ils pouvaient changer en tous les animaux qu'ils voulaient. Tu veux un micro ? N'en connais pas. À peine je quitte le... Martin, arrête de m'arrêter le micro, s'il te plaît. À peine je quitte le service et Kevin commence à raconter des bêtises. Mais il repart des films. Viens, on parle de la vraie vie. On est en psychiatrie. Il est resté 13 mois épiné. Raconte ton séjour. Après, on peut parler des X-Men si on veut. Vous connaissez les X-Men ? X-Men. C'est de la merde. Fabien, tu veux parler de quoi ? X-Men. J'ai envie de savoir. Le chinois marron, attends, Fabien, il parle. Je veux parler de chinois. Il est où ton micro marron ? Non, Martin Bacroix, il n'a pas de micro et c'est notre animateur. Barbara, tu vas parler ou tu veux prêter ton micro ? Non, je vais parler tout à l'heure. Ah, pour l'instant, tu peux le prêter ? Prête le micro, c'est pour qui ? C'est pour Martin et celui-là, c'est pour moi. Non, mais Jason, tu as deux micros. Non, mais c'est qui est génial. Yo. Avant, Jason ne parlait pas. On pensait qu'il était totalement autiste. Et là, il ne s'arrête pas de parler. C'est ça, Jason. Allô, ouais, on m'entend, c'est beau. Moi, je vois ici comment il y a des gens qui ne parlent pas au début. Et après, ils ne s'arrêtent pas de parler. C'est bien. Ça s'appelle des pipelettes. C'est bien, non, Jason, par exemple, il parle beaucoup. Jason, yo, c'est Jason Derulo version française. Ouais. Il s'appelle, c'est quoi ton nom de famille ? Sur le micro. Bon, on va. Oh. Batista. Batista, comme le WWF. Il existe un Batista qui fait du catch. Ouais. Ah, tu vas nous casser la gueule à tout le monde, là. Faut faire attention avec Jason, attention. Il rassemble, on dirait il a 14 ans, pourtant il en a 23. Aujourd'hui, il a fumé vraiment la première clope de toute sa vie. Hey, je suis une grosse poucave, moi. J'ai laissé fumer, il m'a demandé, je veux fumer. Et il ne sait pas fumer, parce que ça ne lui va pas. Si tu veux fumer, tu dois t'acheter tes propres cigarettes, Jason. J'ai pas l'argent. Vincent, tu as eu du thé, tu as eu ça où ? J'ai pas l'argent. J'ai pas l'argent. Ah, je veux bien du café. Tiens le micro, Vincent. Non, Et Jason, t'as pas parce que. Il y a du café, il y a du café. Si top table le micro, ça casse les oreilles et puis ça le terre. Je pense que. Yo, Jason. Voilà, en direct de Metarionia avec Stanley Kubrick et Jason Parker avec Martin. On est là tous ensemble pour passer une bonne après-midi. Pour passer en direct live sur NRJ 3 et Fun Radio 5. Ici c'est Radio Nova Paris. Allez à vous ma chère collègue. Radio Metanoyard à fond. C'est très bien. Tu veux devenir un grand rappeur. Alors on a. Il faut improviser. Il y a toujours une première fois. Je laisse parler un peu Martin Bergeau parce que c'est quand même lui l'animateur. Depuis tout à l'heure j'ai pris sa place. Excusez-moi. Et tu prends la place à moi. Ça fait un plaisir. Moi je suis là pour. Mais il faut que tu les mettes à côté parce que comme ça tient. Voilà. Et ici tout le monde. Compose la radio. C'est ce qu'on avait dit au début, c'est que chacun prend en charge. Docteur Serra, t'es où ? On prend en charge une partie de la radio. Viens nous parler de manger, de folie. Par exemple, là. Qu'est-ce que vous mangez ce soir ? La surprise ? Oui, à midi, on a mangé de la purée. Caviar avec un saumon. Il va nous parler de la gastro-saucisse tout à l'heure. Caviar ce soir. Et alors. Fabien mange du caviar tous les soirs, Fabien. Non, je crois pas. Hein. Vraiment pas. Je sais pas, il faut que vous voyez là, parce que moi, là-haut peut-être. Mais ça fait du mal le sucre. Il paraît que le sucre produit le cancer. Il vaut mieux sans sucre. Ouais. Et en plus, Pedro Serra, il va nous parler de la gastrosophie tout à l'heure. Bon. Il va nous parler de ce que je lui dirai. Ouais. Bon, on a maman de Mélissa. Mélina, pardon. Je te pardonne pas. Mélina. Tu trompes le nom de ma fille, tu l'as. Ah ben, je dois. Elle s'appelle Mélina, ça vient du miel, c'est le nom grec. Elle est douce comme le miel. Oui, Mélina, mais te fâche pas. Elle est très intelligente. Si, je me fâche. Pourquoi tu te fâches ? Je me suis un peu Alzheimer. Je me fâche quand même. Ok. Bon. Mais c'est pas très grave, c'est trompé sur une syllabe à la fin. Faut pas l'appeler. C'est quand toi tu t'appelles Martin, on t'appelle Claude. mais oui, on s'est changé de nom là. Vincent ? On change pas de nom comme ça. Vincent Black ? Vincent Black, c'est l'homme léopard. Ouais, Vincent le chinois marron, il parle beaucoup aujourd'hui. Bon. C'est vite. Maman de Mélissa. Vive le chinois marron, il m'a battu aux échecs et maths. En trois coups. Il est très bon aux échecs. Et bon, Pat, il va parler de ses chèques. Mais et écoute, on va ranger un peu l'émission. C'est totalement chaotique aujourd'hui. C'est totalement chaotique parce que maman de Milena est là. Et comme d'hab, c'est de la folie. Cherchez le mot, j'ai trouvé rien de mieux que ça. Bon, maman de Milena. Oui, Martin Bacro. Et tu vas parler des rêves, tu vas une. J'ai fait plein de rêves, mais c'est de... en fait j'en fais une par. Je fais un rêve grave que je me rappelle et plein d'autres que je me rappelle pas. Ben, tu peux par exemple, je t'ai raconté le rêve où j'ai été à la Kaaba, la pierre noire là des musulmans. Je crois, oui, c'est magnifique. Si, je t'ai déjà dit, déjà raconté. Est-ce que tu peux le raconter pour les spectateurs de Radio Métanoïa là? Alors, j'ai rêvé que je suis dans mon lit et je dors. Quelqu'un vient me chercher, il me dit on va traverser le monde, on va en Arabie Saoudite, on se trouve là où il y a la pierre noire, la Kaaba. Je descends, je rentre dans la pierre, je descends l'escalier, j'arrive au sol et c'était comme une salle de bain, c'était comme ça le décor. Je lis autour, je regardais en haut, je me tournais, je lisais des signes bizarres et à un seul moment, j'ai commencé à descendre vers l'enfer. J'ai eu peur dans mon rêve, je me suis réveillée. Oh, waouh! Tu as des rêves mystiques, hein? C'est des rêves très, très mystiques. Parce que je vous ai dit, je suis la reine de l'univers, je suis la femme d'Allah qui est le diable sur terre. Oui. J'ai déjà dit ça. Je suis la reine de l'univers, je suis la fille de Dieu. Mais personne ne me croit parce que mes pouvoirs sont ancrés en moi, ils ne veulent pas ressortir. Mais c'est la vérité. Mais moi, je te crois, hein? On te croit ici. C'est pas pour rien, je suis en psychiatrie, hein? Docteur Sera, t'es où? Mais pourquoi tu. Alors, si tu rêves à ça. Et tu racontes tes rêves et tu vis de tes rêves, tu n'as pas besoin de te renfermer en psychiatrie. J'ai pas compris. Enfin, désolé, je suis folle. Non. Ça veut dire qu'il faudrait expliquer avec des mots plus simples. Non, mais c'est moi aussi, je suis. Des fois, je capte pas. Hein. Moi aussi, c'est fou. La radio, elle bloque. Mais la radio, c'est bien parce que c'est invisible. C'est invisible. On entend que des voix bizarres. Imperceptible, c'est bizarre. Donc, c'est qui la maman de Mélina, mesdames et messieurs? Voulez-vous mettre un visage sur ma tête? Jason, il est en transe. Je vous dis mes origines, je viens de l'Europe. Kevin, vas-y, réagis. Rap, Kevin, pas dans le silence. Kevin, rap. Yo, c'est Vincent le rappeur. Oh, pas tous rappés là. Dérapé. Le chinois marron. Vas-y, c'est dérap. Comme Tupac. Rap, le chinois marron. C'est rap. Du rap. Je rappe, je fais du rappeur. Je fais du rap, je rappe des carottes. Tu rappes des carottes, hein, t'es bonne. Le chinois marron, c'est pas pour rien qu'on l'appelle comme ça. Parce qu'il est marron. Bon, on est en forme aujourd'hui, Radio Métanoïa. On est très en forme pour une fois, ouais, ça fait plaisir. Fois, ça réveille. Barbara, je rêve d'entendre tes textes. Tout à l'heure, c'est du café. Attends, on a tout le monde là, on va aller un par un pour faire le programme. Alors. Et moi, je parle de tout et n'importe quoi. Ça, c'est mon programme. Toi, tu vas animer toute l'émission. Moi, j'anime tout. Je fais ce que je veux. Moi, je suis la chef. Voilà, tu es la chef. Martin Bacrol, là, il m'a donné le titre. Toi, tu fais ce que tu veux. Voilà. Tu es la chef aujourd'hui, mais il ne faut pas que tu nous lâches jusqu'à la fin. Moi, je vais vous donner un conseil. Tu me payes combien? C'est Sarah qui paye. C'est Dr. Sarah qui paye. Il me paye une glace. On va lui poser la question. Dr. Sarah, viens. Bon, attends, il y a déjà Castin qui va parler des rencontres de Marsupilami et de ses chèques. C'est qui, Castin? Ah, pardon, Pat. Patrick. Pat. Kevin, il va parler des... Des films. Des centaures et des... Et des métamorphoses, c'est ça, hein? Non, je parle de tout et de rien, je répète. On peut finir sur ce sujet avec les X-Men, on les connaît tous, hein, mais il y en a beaucoup. Hein, oui, mais là, on prépare l'émission parce que tu sais, on est juste sur Internet. C'est... Il y a combien de personnes qui nous écoutent là en ce moment? La façon la plus plausible de parler des humains. Vous trouvez ça drôle, les 20 personnes qui nous écoutaient à travers le monde? Laisse-le parler. Comment dire ceux qui ont des pouvoirs, les humains qui ont des pouvoirs surnaturels, on parle des X-Men, on les connaît tous. C'est pas X-Men, c'est moi. J'ai des pouvoirs surnaturels, vous verrez bientôt. Croyez dans mes forces. Je connais pas les X-Men. Tu peux nous expliquer? Ok, parle de X-Men. Oui. Tant que vous faites pas de bruit. Si vous pouvez transmettre aussi les échecs, on va mettre des micros contacts. Ah ouais. Je vais commenter les échecs de Vincent et de Chinois Marron. Ah ouais, c'est bien. Là, tu as un bon contre-camp là. T'as un bon joueur contre on va, toi. Nous, on va transmettre les jeux d'échecs avec maman de Mélina. On va transmettre la partie d'échecs. On va dire qui c'est qui gagne, qui c'est qui perd. Voilà. Le Chinois Marron ou Vincent le rappeur. Bon. En fait, c'est un talent caché, c'est comme la cuisine, en fait. J'ai appris que je savais pas la cuisine, je savais pas, en fait. C'est un chewing-gum. Ouais, ok. C'est un chewing-gum sur ton câble, Martin Bacro. On peut l'enlever. Bah, il faut l'enlever. C'est pas grave. C'est pas grave, alors. Peut-être ça aide à connecter avec les rêves. Si, le chewing-gum, c'est un connecteur. Dans le film, là, avec le black marron, là, américain, qui joue toujours dans la police. Lequel? Comment il s'appelle? Axel Foll. Ouais? C'est son nom dans le film. C'est quoi son nom de vrai? Eddie Murphy! Il ouvre la porte avec un chewing-gum et un morceau de papier aluminium. Et ça, il c'est dans par Le Flic de Beverly Hills. Exactement. Oh, je ne connaissais pas ça. Merci, Kevin. Dans le film, il y a qui comment il s'appelle? Eddie Murphy qui joue le flic de Beverly Hills. Eddie Murphy, c'est un très bon acteur. Ouais, voilà. Très drôle. Flo! Ouais, Flo! Oh, mauvais. Flo, on va parler de quoi, Jordi Flo? Il est pas trop inspiré pour l'instant. Big Flo et Oli, sauf que là, il n'y a que Flo. Ouais, yo. Mais il va parler. C'est Flo de 9-3 Bondi. Jetson, tu vas parler de quoi aujourd'hui? Du rap. Du rap, tu vas chanter? Ouais. Tu vas chanter pour de vrai alors? Vas-y. Vas-y. Tu oublies pas, hein? Je te rappelle. Bon, tu vas chanter. Si moi j'en ai pas marre d'ici là. Du rap. Et Fabien, on va montrer. Eh, hey, bonjour. Eh, hey, bonjour, Makali le Breton. Makaya, bienvenue. Makaya. Ouais, bienvenue. Bon, Fabien, il va montrer une vidéo, c'est ça hein, si tu fais, prends le micro. C'est pas une vidéo. Enfin, c'est une vidéo toute noire. C'est un écran noir, mais c'est plus à écouter qu'à voir, en fait. Donc, mesdames et messieurs, je vous présente Makaya. Dis bonjour. Makaya est là ce soir, aujourd'hui, et présente toujours. Bonjour, Makaya. Il est avec nous. Bonjour. Et c'est quoi, alors, Fabien? Tu parlais de ta musique, c'est... C'est la musique, c'est une vidéo, C'est pas une vidéo, c'est une musique que j'ai mise sur YouTube. Mais tu mets comme une vidéo, c'est-à-dire que tu mets un écran noir et on peut entendre ta musique. C'est ça, oui. Ok, est-ce que je peux donner aux spectateurs... Ah, bonjour madame Adriensen. Bonjour madame qui est toute belle. Bonjour beauté. Beauté ancestrale. Tu es magnifique aujourd'hui. Je sais pas pour les autres jours, mais aujourd'hui tu es magnifique. je suis toujours en psychiatrie, je suis folle. Dis bonjour à la radio. Bonjour à la radio. Voilà. Ouais, bonjour, ça c'était une princesse qui a parlé. Tout le monde est là, il est présent. C'est très, très, très belle. Ici c'est la radio Sky Evrard. Tu me fais un bisou. C'est pas Skyrock, c'est Sky Evrard. Je fais un bisou, écoutez tous. Yo. Vous avez entendu le bisou? Oui, c'est mignon. Attends, encore, on va mettre un peu de delay. Vas-y. Je connais même pas ton prénom. Sophie! Applaudis Fabien. Bravo. Merci, bienvenue à Sophie parmi nous, Radio 2, Métanoïac à Bondy 9-3 France. J'ai pété les câbles, oui, je suis folle. Excellent, on est en forme. Bon. Je suis toujours là, je pense aussi. Fabien, t'es en train de parler de sa musique. Mais ouais. T'es nourri d'OG, t'es bien, à 17h, on va commencer avec toi. Profite. D'accord. Est-ce que ça te dérange que je donne ton vrai nom d'artiste sur la radio? Non, ça me dérange pas. Pour donner, parce qu'on a un chat. Où chez elle? Je peux mettre les noms de ton YouTube. Tu peux. Ouais, bonjour. D'accord. Ça va? Parce qu'ils vont vouloir le savoir. Tu veux me les voler? Mais je peux te les voler si tu veux. Bah, j'ai mis dans mon sac. Il n'y a pas de bip. Il n'y a pas de bip. Il faut lui demander qu'il nous amène un téléphone parce qu'on a un téléphone en direct associé à la radio. Non, un jour je peux te les déposer pour toi. Mais attends. Des belles. Fabien, attends, des boucles d'oreilles à plumes. Bon, bienvenue Sophie Adriensen. Oui, merci. Vous pouvez dire quelque chose là, on s'est présenté. Eh bien, je suis ravie de vous voir. Vous m'aviez manqué. Toi, tu m'avais manqué, toi aussi. À chaque fois que je venais, je ne te trouvais pas. Je te cherchais avec ton gars, je ne vous trouvais pas. Fabien m'a manqué. Et toi aussi, tu m'as manqué. Voilà. Toi aussi. Non. Qui ça? Le chinois marron, voyons. Ah, le chinois là-bas? Marron. Attends, lui, mais c'est son jeu de dame, non? Non, jeu, c'est échec. Voilà, son jeu d'échec, non. Toute la semaine, j'ai pensé à toi. Le chinois. Tu m'as pété la tête. Tu vois ce que je veux dire? Toute la semaine, t'étais dans ma tête. J'ai failli pas venir à cause de toi, mec, tu vois. Mais quoi, je voulais pas venir. Ah, merci. Merci, mon roi. Pourquoi non? Ouais, d'accord, je prends. Allô, ça marche bien. Mais c'est, pas, okay. C'est pas ça un chinois, pas c'est... Fort, Martin Bacro. Oui, oh, ma copine la folle. Augmentez le son de mon micro. Quand est-ce que tu sors de là définitivement, jamais ma chérie? Jamais de la vie, moi je suis déclaré. Je suis un Thaïlandais. J'ai ma pièce d'identité à ma téléphone. Ah, t'es un Thaïlandais, t'es pas... Je suis un Laotien. Il se révolte. Je suis pas un chinois, je suis un Thaïlandais, il se révolte. Je suis Thaïlandais, Laotien, Cambodgien. Oui, mais attends. T'es déclaré ici. Ou Taïwanais, je sais pas. Taïwan. Taïwanais. J'ai pas de possibilité. En ce moment, Taïwan et la Chine sont un peu en bise-bise. J'entends pas ma voix. Tout à l'heure, j'en l'entendais, c'était mieux. On m'entend là, t'es sûr? Oui, on t'entend. Vas-y, pas fort. C'est quel numéro ton fort. Attends, je vais voir tout de suite. C'est les 3. C'est le 3, ma porte bonheur. Si tu sors pas, comment est-ce qu'on va faire du shopping, toi et moi, dehors? Quand j'aurai des sous. J'ai la flemme de faire du shopping. On va aller faire les boutiques, tu tout fais ça. Tu fais shopping pour moi, tu m'offres. Moi, je te oui, promets avec vrai, la voiture. Je te donne une paire de boucles d'oreilles. Vas-y, une paire de boucles d'oreilles. Une belle paire de boucles d'oreilles à plumes. Ouais, vas-y, je super note. Belle comme ça. Super belle, comme toi. Oui, merci. Bah, de rien, c'est vrai. Moi, j'aime les filles. Hein. Attention avec moi, je suis dangereuse. C'est pas vrai, t'es hétéro, si c'est toi. Vrai. J'aime les deux. T'aimes les deux? J'aime les deux. Mais tu préfères quoi? Bah, les filles. Les filles. Okay. Parce qu'elles sont belles. Non, les elles préfèrent les et dieux. Et les hommes, c'est des bâtards. Elles préfèrent les dieux. Gros bâtards. Des gros bâtards. Oui. Martin Bacro, désolé que tu aies ouvert gros ta bouche. Bâtard de ça bâtard te concerne de... aussi. Hein. C'est du secret. Voilà. Toi, tu m'as dit que c'est moi la bâtarde. J'ai rien dit, moi, c'est pas moi. C'est le micro qui a parlé. C'est le micro qui a parlé. C'est le micro qui a parlé. Kevin, il est pardonné. Si je suis un bâtard, alors t'es une bâtarde. Barbara, prends le micro. Égalité des sexes. Égalité voilà. Des sexes. Égalité des sexes. Allez, non, Barbara. Barbara. On a tous le même salaire. On est payé 0 euros. Voilà. Le salaire de la peur. C'est-à-dire 0 euros. On a tous le même droit de parole. Ah bon? Ouais. Quand okay. Soit blanc, jaune, rouge, vert, noir ou. Je sais pas, il y a d'autres quelle couleur. Ok, vas-y. Violet. Ouais. Violet. Marron. Bleu. Verte. Jaune. Bleu. Blanc. Bleu indigo. Je connais. Ah, indigo? Ah, c'est magnifique ça, les c'est yeux. C'est dans la mode, chérie, bleu indigo. Ah, moi, je choisis le noir. Non, elle a une rose. De couleur, elle a une partie d'échec. Blanc. Vert. Rouge. Bleu clair. Comme la dame là-bas, zèbre. D'accord, orange. Ah, je te prends le. Je sais plus, moi, j'ai plus de couleur. Blanc. Je mon cerveau, blanc, les blanc, blanc, du blanc, c'est une couleur. J'ai pris blanc. Tu l'as pris déjà? J'ai pris blanc. Mon cerveau, les médicaments, t'as ça, j'ai pas pris rouge, chérie. J'ai pris la rouge, lumière, je l'ai la pris lumière, dans ma tête, le rouge. Rouge, je l'ai pris dans ma tête. Et la lumière, c'est pas bon, une couleur, t'as pourtant gagné. Les fêtes de non, c'est toi qui as gagné, abuse pas. Tu gagné. Me laisses le combat parce que je suis en psychiatrie. Ton chéri non, parce il que m'a quitté. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Mais il t'aimait beaucoup. Hein. Il m'aimait beaucoup, mais là, il m'aime plus du tout. Ou c'est toi C'est moi, je fais des qui bêtises. Qui lui a dit de s'en aller? C'est lui, il est parti. C'est vrai? Oui. Pourquoi? Il n'y a pas mieux que toi. Si, il y en a mieux que moi. Ah bon? Si, si. Ok. Ouais. T'as plus de nouvelles? De temps en temps, on s'écrit des messages, mais yo, rien de spécial. Ouais. Yo. Rien spécial. Oh, on est à yo. 3 minutes de direct en FM. Sur on va les compter. 180 secondes en arrière. Ouais, voilà. Vas-y. 180, 179, 178, 177, etc. Qui continue? 176, 175, 174, 173, 172. Non, c'est 160. 170. Vas-y, je vais sur continuer. 169, 168, 167. À l'envers, c'est dur, hein? 164, 163, 163, 162, 161, 160. Après, qui prend le relais? 159. Il était en 158, 157, 156, 6. 155, 154, 153. 287,50. Oh. On a dépassé ouais, qui, là? Tu nous as perdu, là. En plus, à l'envers, t'as pas les marqués. 87,55. Oh là là, c'est cher. C'est un peu cher, oui, c'est 36, un peu cher. Mais ça vaut, ça vaut la peau du cul des fesses. 133. Ça vaut mon porte-monnaie, surtout. 109, 128, 127, 126, 125, 124, 121, 103, 122, 121, 120, 119, 118, 117, 117, 105, 105, 105, 115, 114, 113, 113, 112, 112, 112, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104, 100 secondes bientôt. C'est vrai, ça peut pas sortir de ma bouche. Ça peut pas sortir de ta bouche. T'as une bouche de reine, alors comporte-toi comme telle. Plus de bêtises. Pour l'instant, je me maîtrise. Voilà, tu es pardonné, pour cette fois, ça passe. Je me maîtrise. Pour cette fois, ça passe. Oui, je me maîtrise. Ok, ok, ok, on est à... C'était ma meuf, 100 minutes. 73, 72. Attends, Jason est là à fond. 70, 69, 68, 67, 66. Stop. 64, 63, 62, 67, 60. On compte à l'envers pour que le radio m'étonne qui se met en direct. 58, 57, 56, 55, 54, 53, 53 52, 51, 54, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 44, 43, 41, 40, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 39, 39, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 16, 15, 15 14, 14, 13, 12, 11, 11, 10, 10, 9, 8, 8 7, 7, 7, 6, 6, 6 5, 5, 4, 3, 2, 1, boum! Terminé. Présentation. Bonjour, il faut que je fasse les présentations. Je suis la maman de Mélina. Vous êtes avec la radio Métanoïac de Villévrard, qui est une pré-psychiatrie hôpital HP, donc pour les fous à Bondy 9-3 France. Vous êtes avec Martin Bacro, Sophie la plus belle des reines qui des fois fait des bêtises, mais c'est pas grave, elle est pardonnée. Kevin Le Goff, Vincent, Le Chinois Amaron, Barbara, Jason, Fabien, derrière moi, Monsieur Le Breton qui va nous dire bonjour. Bonjour à tous, c'est Makaya dans la place, Burumba Sidja, comme d'habitude, on est là, s'il faut faire un son, on le fait, on est fait, fait pas autrement. Allez, laisse-moi, je parle, parce que là, tu vois, là, j'ai le micro, ça y est. J'ai juste oublié de présenter le sage qui est derrière nous, et moi, je suis la maman de Mélina. Merci, mesdames et messieurs, soyez avec nous, et amusez-vous bien, parce que c'est de la merde. Non, c'est pas de la merde. C'est quoi, la radio ou la vie, c'est de la merde? La radio, c'est de la merde. Le public, c'est de la merde. Ah, c'est de la merde. Ok, vas-y. C'est de la merde. Les vacances, c'est de la merde. Ratatouille. Les vacances, c'est de la merde. Le coronavirus, c'est la merde. Quoi d'autre? La vie, c'est la merde. Tout, voilà. C'est la merde. Voilà. On est dans une chaîne de vie. On vit dedans et c'est comme ça, c'est pas autrement. Et voilà, c'est quelque chose. Mais oui, dire. Mais avec on de dit. La merde, on fait des fleurs. La on merde, est dans une chaîne de vie, fleurs, mais on n'est pas voilà. Des chiens. On n'est pas des chiens, c'est ça. Le fumier, c'est un truc qu'on fait des fleurs avec. C'est un engrais, bah c'est vrai. Le fumier, c'est de l'engrais pour les jonquilles. Et moi, j'ai fait du fumier au Yuka, ils m'ont viré. Alors, tu vois, le fumier, c'est pour pisser dedans. Le fumier, c'est de l'engrais pour les coquelicots. Pour les coquelicots, je sais pas, en tout cas, pour la Bretagne, nous, ce fumier, c'est très important. Le fumier, c'est au fond du jardin, tu racontes toutes les conneries avec ton grand-père et quand tu as envie de pisser, tu vas dedans. Moi, je trouve ça désagréable, mais je trouve ça plutôt agréable d'avoir fait ça au Yuka. Voilà, je suis désolé, Yuka, mais il fallait un fumier pour faire planter les bonnes tomates. Il n'y a pas de fumier sans bonne tomate, il n'y a pas de fumier sans tomate. Donc voilà, je vous dis bonsoir et bonjour en même temps. Parce que pour nous, c'est la nuit et des fois, c'est différent. Aujourd'hui, on est les anecdotes, parce que de l'histoire de France, il y a devant moi. Et il y a les anecdotes à gauche, les anecdotes à droite. Il y a les poteaux en face, à Jason. Il est enfermé, mais il a compté de 1200 à 1300 et en passant par 0 et 124. En tout cas, je te dis, voilà. Laissez-nous un peu la place, ça en fera du bien. Bienvenue, ouais, merci à vous. Merci à vous. Super, bienvenue tout le monde à Radio Métanoïa. On est en complet. Jason, il est en forme, il va nous faire tous les bruitages de cette émission. Hein. Tu vas faire tous les bruits, tous les effets spéciaux, c'est ça? Vas-y, vas-y, fais-toi montre un peu ta puissance. C'est pas ouvert. Yo, il est calibré. Non, non, non, non, non, non. Voilà, il est calibré, il est posé. Mais échec et mat. Ok. Ah, c'est méchant. La bombe arrive, la bombe arrive. Yo. En bande organisée. T'inquiète pas, on a mis les deux pieds. Yo. On attend juste l'instrumental et c'est bon. Quand on a l'instrumental, c'est bon. Si oui, il faut que vous cherchiez un instru pour pouvoir vous accompagner. Mais il y a des gens qui jouent aux échecs. Là. Oui, là, il y a deux personnes qui jouent aux échecs. Là, c'est quoi les résultats? Le score. Merci, Magaya. Tu reviens tout à l'heure. Hein, ouais. J'ai gagné. Prends le micro, Pat. Jason, tu le prends des micros. Vas-y. J'ai gagné par un mat du couloir. Un mat de couleur, c'est comment les mats de couleur? C'est un mat. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un mat. C'est un mat, c'est pas un pat, c'est un mat. C'est un mat. C'est échec et mat. Échec et pat. 15 minutes, je dirais. 20 minutes. 15-20 minutes, il a fait le jeu, il a fait échec mat. Bon, mais c'est très très bien tout échec ça. Échec et mat avec attends, la tour blanche sur le roi, et si le roi avance en diagonale d'une case, c'est la dame blanche qui prend. Mais de toute façon, il peut pas bouger parce que ici la tour prend le roi, c'est foutu, et là-bas la dame prend le roi. Il peut plus bouger, il est paralysé. Échec et mat pour les blancs. Waouh, bravo. Quelle description incroyable. Je sais pas comment vous faites pour jouer aux échecs, moi j'y arrive pas hein, franchement. Mais Pat, il peut t'apprendre, là, il est fort, lui. Bah, les échecs, c'est très bien pour jouer, mais les gens, en général, les gens préfèrent le jeu de dames, c'est plus facile. Je ne sais pas jouer aux dames, non. Les dames, c'est plus facile. C'est... Peut-être je sais jouer aux dames, mais je ne me rappelle plus comment on joue aux dames. Non, les règles sont plus simples, c'est pour ça. Certainement. Ouais, c'est plus simple, il y a moins de variantes, je crois. Oui, et ça va plus vite, le jeu. Les pions sont tous les mêmes, je crois. Ouais, les pions sont tous les mêmes, ouais. C'est des sortes de, ouais. De pions, quoi. Jason, tu sais jouer aux échecs? Un peu, bon. Prends un micro là, à côté tu as un micro. Non, je ne sais pas jouer aux échecs. Non, mais tu vas prendre ici, là. La Pat, il inaugurait sa chronique des échecs. Et donc, là qu'on profite que Fabien est là et que Kevin est là, je vais montrer d'abord un Fabien qui a une chaîne YouTube magnifique. Vous cherchez Fabien Gourdel sur YouTube. Attends un peu. Tu es en forme, mais après. Je te dis, tu fais le cœur. Donne-moi quelques minutes pour présenter Fabien. Non, c'est juste sa chaîne YouTube qui a quand même une centaine de vidéos. Hein. C'est ça, Fabien? C'est ça, oui, c'est ça. Une centaine de vidéos. Vous cherchez Fabien Gourdel. Il a deux chaînes. Il y a une qui est tout en blanc. Je prends le visage un peu. Oui, c'est ça, un peu fantomatique. J'ai envoyé l'adresse là pour ceux qui sont sur le chat de. Il y en a deux. Il y en a même quatre en fait. Mais bon, il y en a deux où il n'y a rien dessus. Ou quelques trucs, mais ça. Bon, voilà. Et il y en a une autre. Où c'est un avatar de moi un peu dénudé. Celle-là aussi, elle n'est pas terrible. Il y a 342 vidéos pas terribles. Et puis, il y en a une autre. C'est la dernière ou la deuxième ou la première qui apparaît quand vous la cherchez, qui compte 100 vidéos donc, et qui a 11 abonnés. Voilà. Ouais. Et puis là, on va... On va trouver plus facilement si vous fiez on va... J'ai envoyé là sur le chat Pinot, là, si vous connectez, vous pouvez le lire. Sinon, je vais mettre un morceau qui s'appelle Take Off My Heart, qui. Les paroles sont juste après. Hein. Mon micro, il est allumé, Vincent. Attends. N'importe quoi, je t'ai baptisé Ivana, toi aussi, je me suis vengé. Ivana, pardon, mais maintenant, Melina, on va présenter une vidéo de Fabien Gourdel qui s'appelle Take Off My Heart, Retire-moi les cœurs. Alors, je me tais. C'est ça, retire-moi les cœurs. Attends, comment ma connexion n'est pas top. J'essaie de la trouver, de la reprendre parce que là. Non, si j'ai, mais le problème c'est que c'est le réseau en fait, tu vois. Donc là, j'essaie de lever la main, voir si ça marche là. Bon, mais dites si ça, si vous écoutez. C'est bon. Mesdames et messieurs, écoutez les paroles. Take off my take off my mankind. Désolé, je suis pas bilingue. Take back all you can from this great treasure. Be the mesmerizer. Toujours aussi une belle voix. And show to me a bird, a deer, a flower. But please don't use color. Fly me to the moon, paradise, lunaire. S'envole mes heures. J'ai dû comprendre deux, trois mots. Fabien, tu vas pas chanter avec toi? Fly me to the moon, paradise, lunaire. S'envole mes heures. Fly me to the doom, truth orchestrator, et s'envole mes pieds. Très belle chanson, mais à la fin, j'ai pas compris, Fabien. Tu parles bien mieux en anglais. Hein. Bravo, bravo. Et ton merci, casque, merci. Qui tient chaud à la tête. Hein. Martin Bacco, applaudissements merci. Pour Fabien. Là, c'est du retour. Tu peux nous raconter un peu comment tu as écrit cette chanson? C'est quoi ton son processus créateur? J'ai pensé à quelqu'un, en fait. Et puis, l'idée de la chanson m'est venue un peu en pensant à cette personne. Oui. C'est une chanson de... plein de sentiments, alors. Oui, c'est une chanson plutôt sentimentale et qui est plutôt liée à une déception. Ah oui. Une déception amoureuse, quoi. Hein. Déception amoureuse, oui. Et sentimentale, voilà. Ouais, les sentiments. Ça ment, les sentiments, non? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses, Jason? De la chanson, tu as aimé? Ouais. Parle au micro, là. Ouais, j'ai aimé. Qu'est-ce que tu as aimé dans la chanson? La voix, le chanteur... Oui. Sa voix... La voix, la mélodie, tout était la très mélodie, beau et extraordinaire. Franchement, Fabien, tu réponds, c'est le mec. C'est une voix mystérieuse. C'est une voix mystérieuse, c'est ça, hein? Ouais. Ça vient de quelle planète? Je sais pas. Ça vient de la Terre. De l'inframonde. Ça vient de la Terre, toi aussi, abuse pas. De l'inframonde. Et où, là, on est à Bondy. 9-3, France. Ville Evra, Radio Métanoïa, avec Martin Bacco et la maman de Mélina et tous les autres. Oui. Ah ben, tu nous parles. Bon, c'est bien. Attends, on va continuer le programme là, avant de passer au texte de Barbara, hein, qui nous ramène toujours des poèmes d'un niveau de profondeur professionnel. Arrête de couper mon micro. Pardon. Voilà. Oui, ok. Mais je pense que Kevin, nous voulions parler avant d'un sujet qui est très intéressant et qui va inaugurer aujourd'hui la chronique sur les centaures et les métamorphoses entre les animaux et les humains. Vas-y, Kevin. Écoute, tout le micro est pour toi. Non, moi, je veux ajouter pour finir cette exposé. Pour commencer, déjà. Bon, on a parlé de tout, mais bon, les Américains sont des spécialistes pour ça, les films d'Hollywood, là-bas, ils sont des spécialistes pour faire tout ça. On n'est pas en Amérique. C'est bien simple, les Américains sont partout dans le monde. Voilà pourquoi c'est des spécialistes pour faire les meilleurs films. Les films à gros budget, les films qui coûtent des millions, des milliards de dollars. Voilà, ils peuvent voyager dans le monde et faire des films à gros succès qu'on connaît bon, sur les humains qui ont des corps d'animaux. Ça, il y en a beaucoup hein, maintenant. Moi, j'aime bien la fille, là. Comment elle s'appelle La fille, comment elle s'appelle la fille dans les 4 Fantastiques? La fille dans les 4 Fantastiques s'appelle... Non, la fille dans... Jeanne. La fille dans les 4 Fantastiques, là. La belle. Comment elle s'appelle? Attends, je ne m'en rappelle plus. Tu te rappelles plus, Kevin, alors là, on t'a perdu. Oh non, j'ai perdu la mémoire des noms, prénoms, parce qu'il y a énormément dans de films. Dans le film, c'est Sue, mais dans la vraie vie, elle s'appelle comment? Ah oui, Jessica Alba, oui. Jessica Alba, voilà, bravo, Kevin, tu es toujours parmi nous. Mais le nom... Le téléphone, c'est pas un jouet. Son nom dans le film, son nom d'actrice dans le film, je sais plus. C'est pas grave, c'est Jessica Alba, elle est belle. Jessica Alba. Bon, elle a des super pouvoirs. Alors, c'était quoi ces super pouvoirs? Tu te rappelles? Aucune idée. Franchement, est-ce que j'ai vu le film même? L'élastique. L'élastique. Élastique, elle. Non, ça c'était. Non, ça c'est le mec qui est élastique. Le mec en bleu là. Quel mec en bleu? Je sais pas, moi, enfin, tu t'es décidé de parler. Comme ça, tu reviens de nulle part. Elle a le pouvoir de se rendre invisible. Voilà, c'est ça. C'est, elle a le pouvoir de devenir invisible dans le film. Invisible, ouais. Elle est magnifique. Il y en a un deuxième, c'est ce, il a un corps élastique. Il a les bras. Il y a le corps en pierre. Il y a l'homme de pierre. Et le quatrième, c'est l'homme de feu. Chose. L'homme de feu avec ses yeux, là. Juge, le kiffe. Voilà, c'est ça. Tu l'as vu. Le et il y a le méchant qui fait tous les métaux. Le gros énorme, là, c'est la chose, l'homme de pierre. C'est la chose, ça? Ouais, la chose. On l'appelle comme ça? La chose. Ok. C'est oui, la famille Adams, la chose. C'est quoi la mélodie de la famille Adams? Eh Fabien, chante la mélodie de la famille Adams. Tararara. Tararara. Tararara. Tararara. Tararara. Tararara. Eh, on a fait un vrai orchestre, s'il vous plaît, applaudissements. Tararara. Applaudissements. Allez, tout c'est mon micro, Martin Bacro. J'ai mis l'applaudissement. Applaudissements, s'il vous plaît. Avec les deux mains. Bravo. Et donc, aujourd'hui, nous avons deux choses. Quelle est la troisième? Docteur Serra, toujours pas là. Docteur Serra, en consultation. Avec un patient, ouais. Sûrement c'est ça. Il est enfermé en consultation. Ah oui. Le breton. En micro. Eh bien, Docteur Serra, c'est son style. Ouais, Docteur Serra, moi, je l'ai mangé tout cru cette année. Il a déclaré que c'était un pervers narcissique. Non, et c'est pas franchement, vrai. Je l'ai en option. Je l'ai en option en vidéo sur YouTube. J'ai plus qu'à le mettre en ligne et ça y est, c'est bon, il est grillé. Donc moi, Serra, je te demande simplement un appartement à Doma. Je suis quelqu'un de serviable. Et après, gentil, tu vas l'aimer bien, il sera plus un... Qu'est-ce et après, je déclare la hache de guerre et j'enterre. Et je lui dis, écoute, mon pote, t'es un bonhomme. T'es un bonhomme, tu m'as apporté mon appartement, t'en rêvais. On en rêve tous d'un appartement, donc tout ça, il ne peut pas se diviser en mille. Hein. Parce qu'il distribue tout, la cocaïne, tout, il fait tout rentrer ici. Il est au courant de tout. Tiens, ton feu, excuse-moi. Je te rends ton feu. Lancer le briquet bien réceptionné. Ça aurait pu mal finir, mais c'est bien tombé. Ouais. Donc voilà, docteur Serra, si tu m'écoutes, viens au rendez-vous. Nous, on t'attend, on est toujours là devant toi. Docteur Serra? Docteur Serra, toujours par là quand il le faut. Docteur Serra. Docteur Serra, docteur Serra sera là, sera pas là. Est-ce qu'il sera là ou est-ce qu'il sera pas là? Est-ce que ça sera si docteur Serra dira? Non, il vient tout à l'heure faire sa colonne gastrosophique. Ouais, la colonne de gastrosophique, gastrosophie. Chacun, il y a un chronique là. Lui, il va commencer à mettre en pause. Toi, tu fais la colonne des rêves. Lui, il a la colonne de composition de musique. La colonne des rêves, j'ai plus de rêves là. J'ai tout raconté ce qui est intéressant. Tu as plus de rêves? Pour l'instant, je ne me rappelle pas. Sinon, ça date. Sinon, ça date. C'est pas grave, tu peux raconter un. Qui connaît, vous connaissez. Arrête de couper mon micro. Moi, quand j'ai vu le docteur Serra, j'ai entendu parler du docteur Serra la première fois. Je me suis dit tout de suite, j'ai pensé à Eric Serra, le compositeur de musique. Eric non, moi, quand je vois docteur Serra, je pense à docteur Pedro Santos. C'est vrai qu'il a fait la chanson Le schizophrène. Je pense à mon papa. Il a fait la chanson de schizophrène, donc effectivement c'est un chanteur, mais c'est un chanteur en carton, c'est rare. Moi je le prends en bout de papier mâché. Ah, tu peux allonger le câble là. Rallonge le câble. Hier la nuit dernière, vers 2h du matin, il y a un film avec Jean-Claude Van Damme. À quelle heure? Il y avait un film avec Jean-Claude Van Damme hier soir. Ouais. C'était lequel? C'était avec les quand il faisait le... Quand son père meurt, et après il rejoint le groupe. Il fait des dingueries, il prend de la cocaïne, il prend tout. Il tue, ça pète la gueule. Après il y a des tueurs, le chef des tueurs. Ça c'est un des premiers Jean-Claude Van Damme. Hein. Ouais. Un des premiers. C'est la folie. Ce soir c'est bientôt la paye, tout le monde va recevoir les thunes, ça va faire quelque chose là, dans le porte-monnaie, les gens vont changer, c'est la rentrée, il faut investir. Eric Serra, le compositeur de la musique du Grand Bleu par exemple. Ouais, c'est vrai. De Luc Besson. C'est vrai, voilà. Un film culte français qui a marqué les esprits. C'est vrai. Je suis d'accord. Vous savez comment Jean-Claude Van Damme a commencé? Je vais vous expliquer, j'ai vu ça à la télé, j'ai vu ça sur YouTube. Jean-Claude Van Damme est parti aux États-Unis tout seul. Il a commencé par faire des petits boulots. Il était chauffeur de limousine. Il vendait des pizzas aussi avec une mobilette. Il a fait videur de boîte. Il a fait plein de petits boulots payés à la main. Il rentrait chez lui dans son appartement. Il montrait à sa femme. Il montrait à sa femme l'éventail des billets, les dollars, pour dire voilà, j'ai gagné ma vie. Il est allé dans une boîte de production de films américains. Il a trouvé l'adresse. Il est rentré dans l'entreprise et il a dit comme ça voilà, je me présente, je suis Jean-Claude Van Damme et je veux devenir acteur. Je veux devenir une star. Alors il a commencé à faire des coups de pied au-dessus de la tête du producteur. Il a fait un grand écart sur deux chaises, entre deux chaises. Et c'est à ce moment-là que le producteur, il a dit d'accord, je suis convaincu. Il a appelé sa secrétaire en lui disant trouve-moi le scénario du film Bloodsport. Bloodsport, c'est tous les coups sont permis, vous connaissez. C'était son premier film. Et Jean-Claude Van Damme, donc, il disait au producteur, il disait écoutez, moi je veux devenir acteur, je veux devenir une star. Mais là je suis arrivé aux États-Unis, je suis tout seul avec ma femme, il disait j'en peux plus. Je fais des petits boulots, j'en peux plus. Et il s'est mis à pleurer physiquement, les larmes coulaient comme ça. Et donc il a commencé à son premier film et vous savez combien il a été payé pour ce film, tous les coups sont permis. Il a été payé que 25 000 $ alors que ce film a rapporté des centaines de millions de dollars dans le monde entier. Ouais. Il a touché que 25 000 $ et il disait à la télé, il disait moi j'ai retrouvé mes parents, ma famille en Belgique et j'ai acheté une Rolex parce que je voulais une Rolex. Alors il a acheté une montre en or, Rolex, et il a acheté séparément un bracelet qu'il a fait monter sur la montre. 25 000 $, moi je sais pas ce que je ferais. Et c'est comme ça qu'il a commencé sa carrière d'acteur. Il a enchaîné les films, il a gagné de plus en plus d'argent, des cachets de plus en plus gros. 25 000 $. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à 10 millions de dollars par film. Et tous les films qu'on connaît. Il a fait beaucoup de films. Il a fait jusqu'à 4 films par an, comme les plus grandes stars, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Bruce Willis, etc. Donc voilà. Par exemple, est-ce que vous savez combien Sylvester Stallone dans le film Rambo, qui était son premier film, combien il a touché? Tu vas nous faire toute la discographie des films américains ou quoi? C'est pour finir. Il a touché, allez, parce qu'au bas mot, il avait touché 25 000 euros, il a 50 000. Il avait touché 100 000 $. Il avait touché. 100 000 $, voilà. Voilà, pour finir. Oui, bon, super, ça nous met à jour plein de choses. Tu es spécialiste en cinéma, je vois. Excellent. Je m'intéresse beaucoup au cinéma. Je suis presque cinéphile, on va dire. Je connais beaucoup de choses. Ouais. Quand je regarde YouTube, je regarde beaucoup de vidéos sur le film. Ouais. Je peux regarder des documentaires d'une heure et demie sur une seule personne. Jean-Claude Van Damme, mais aussi Stallone, etc. Schwarzenegger, etc. Je vois assez. Je t'invite à venir tous les mercredis. On a à voir une chronique où tu parles de cinéma, de métamorphoses, des centaures, de tout ce que tu veux. Ouais. Vas-y, prends le micro. Madame Macron, alors j'ai une idée pour vous. Acceptez déjà d'avance, dites oui. On ne peut pas dire oui avant de savoir. Bah si, vous dites oui, vous l'avez déjà fait. Non. Alors on appelle l'unité d'hospitalisation, dont on parlait à Dr Serra, en live. Tu penses? Ouais. Vas-y, essaie. C'est vous qui l'appelez. Parce que si c'est moi, ils vont dire Dimitrova, t'abuses. Non, mais il va venir tout à l'heure, on le laisse. Non, mais on l'appelle en direct pour faire drôle. Mais il faut qu'il vienne. Bah, il va venir, justement, on va l'appeler. Attends, là. On va lui envoyer un message d'abord. Parce que peut-être vas-y, on va aller un texto. Yo. Tu me donnes son numéro? Non, je ne sais pas. Oh, le méchant. Bah, il faut le demander à lui. Tu es le méchant dans le film des 4 fantastiques. Non, mais on va... C'est vrai qu'avant... Bon, on va aller un texto déjà, vas-y, ouais, s'il te plaît. Mais pendant qu'on envoie un texto, et puis Jason qui est en transe, tu veux chanter tout de suite Jason ou tout à l'heure? On attend Barbara d'abord, s'il vous plaît. Tu as du temps, Barbara, ou pas? Tu peux rester un peu, d'accord. Ouais, parce que Jason va, je sens qu'il est en forme. Il a chauffé ses poumons, il a chauffé sa voix, son esprit. Vas-y, lance-toi. Yo, yo, yo, il est calibré. Yo, yo, yo, yo, yo, il est calibré. L'album arrive. La vraie vie. Ouais, Jason. Tu peux l'accompagner peut-être, Makaya? Ouais, je vais l'accompagner. Ça fait quoi? Ça fait... Vas-y. Aïe, aïe, aïe. Attends, refais-moi le... Les calibrés. Ils sont calibrés. On est équipés. De la tête aux pieds. Ouais. Ça le fait. On est là, on salsifie. Et avec nous, c'est parti. On s'en bat les couilles, on prend un Ouigo, on se taille. Et chez toi et moi, chérie, baby, Bonnie and Clyde. Tu connais, j'ai mis une dame ici. Tu connais. Tu es René. Ouais. Yo, tu connais. Je voudrais bien écouter Barbara, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Barbara Streisand. Merci beaucoup, Jason et Makaya avec le cœur. Merci, Makaya, avec Jason. Merci tout le monde. Et là, on va passer à Barbara. Merci, Jason. On va passer au... Bon, et peut-être, Barbara, tu peux présenter toi-même le poème que tu vas lire, parce que Barbara, ça fait quelques semaines qu'elle ne vient pas, mais elle présente à chaque fois un texte. De, pour moi, on la connaît, Barbara, même si elle, des fois, elle est absente. Voilà, donc Barbara, il s'appelle comment ton poème ? Alors, ce n'est pas vraiment un poème, mais c'est plutôt un texte que j'ai écrit qui parle de mes propres pensées, de la philosophie. Et là, le texte, c'est, le titre, c'est « Éclair ». C'est comment tu perçois la vie ? Pourquoi t'es dans mon... C'est comment tu perçois la vie en vrai ? Oui, on peut dire ça comme ça. D'accord, alors laisse-moi faire des commentaires avec Barbara. C'est une inspiration locale, c'est un c'est une inspiration personnelle. Dis-le, Barbara. Voilà, c'est à l'intérieur d'elle-même. On t'écoute, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, silence. Silence, okay. Et à toi. Alors, je commence. Alors, je pense que quand on est dans l'espérance et dans l'attente de quelque chose de bien précis, on peut souvent être déçu. Et cela peut aussi nous empêcher de voir toutes les opportunités qui arriveront ou bien ce que nous avons déjà. Surtout si les attentes concernent les critères donnés par ce monde et par la société. Il vaut mieux agir en âme et conscience, amour et bienveillance, sans rien attendre en retour, et laisser l'univers nous répondre quand il, elle, le voudra. Amen. L'un des secrets, c'est ça. Ne pas agir pour obtenir quelque chose, mais agir en transmettant l'amour qu'il y a en soi, faire des choses non pas pour des attentes et des contraintes, mais par amour. Amen. Ce monde ne nous apprend pas cela dès notre plus jeune âge, ni au cours de notre vie. Non, dès notre plus jeune âge, nous sommes conditionnés et formatés pour faire des choses dans le but d'obtenir quelque chose ensuite. Comme des machines. Dans un monde où tout est basé sur l'illusion et le mensonge, amen, amen, amen, en faisant amen, croire amen. En une vérité absolue. Cela ne peut être que source de souffrance que de faire des choses par intérêt et non par amour. Tout simplement parce que cela amen. Est hypocrite, égoïste et que l'on se ment à soi-même. Dans cette vie, il est bon de transmettre l'amour et la bienveillance dans tout ce que nous faisons, l'amour inconditionnel qui ne demande rien ni ne cherche à recevoir, l'amour inconditionnel qui offre, protège et célèbre la vie. Nous devrions toujours célébrer la vie et être dans la gratitude, quelles que soient nos conditions de vie. Oui, trouver la vie, même lorsque quelque chose en nous est mort ou bien brisé, célébrer la vie l'hiver comme l'été, magnifier cette inspiration, revivifier l'expiration, évacuer toutes les tensions du corps et de l'esprit. L'âme revit et fait vibrer l'être vers les plus hautes sphères, des plus grandes dimensions. Alors l'être renaît vers de plus belles vibrations. Les lamentations d'hier deviennent un lointain souvenir. C'est présentement la lumière qui éclaire et donne l'amour de vivre. Alors Barbara, applaudissements d'abord, merci. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Amen, amen, amen. J'ai amen. Très aimé ton texte. Tu parles beaucoup d'amour dedans. À mon avis, tu parles de Dieu. Tu parles de Dieu ? Alors je parle de tout d'abord l'amour de soi, c'est l'amour de soi-même. Parce que Dieu est amour. T'es d'accord avec moi ? Oui, l'amour de la en vie. En fait, je pense, j'ai un jeu pour toi. Je vais te poser une question, tu me réponds avec un seul mot. Que nous enseigne la Bible ? Moi j'ai répondu le bonheur. Moi j'ai répondu le bonheur. Un seul mot. Le premier qui te passe par la tête. L'envie. Doctrine. Doctrine. Doctrine. Que signifie cela ? Je comprends pas. Si. Pour moi c'est. Que signifie le mot doctrine, s'il te plaît ? C'est personnel. C'est un respect de plusieurs règles. Personnel, c'est des dogmes, plusieurs dogmes qui pour. Je comprends pas, Martin Bacroix. Est-ce que tu peux expliquer ce que ça veut dire doctrine ? Et bah, attends, Barbara peut-être va l'expliquer. Est-ce que vous entendez d'abord? Je explique avec mes mots. Une doctrine, c'est comme une idéologie. Alors, c'est ce que je vois comme une idée. Oui. Pour toi, la Bible, c'est une idée. C'est personnel. Là, je d'accord. J'accepte ta réponse. Merci beaucoup. C'est un jeu. Je vais demander aux 7 milliards de personnes que nous enseigne la Bible. À la fin, on saura qui est Dieu. Parce que tu as parlé beaucoup d'amour. Et Dieu est amour. Fabien, tu connais d'où vient le mot doctrine. La définition du mot doctrine, ça vient du mot docteur, médicament. Une doctrine, C'est comme un... Ça veut dire doctrine, peut-être. C'est quelque chose qui nous... Peut-être. Un remède, soigne. Un antidote sur une façon de vivre, peut-être. J'allais dire un mot qui ressemble peut-être à doctrine, bien qu'il n'ait pas la même racine étymologique, je pense. Ouais. C'est le mot dicta, qui a donné ensuite la dictature. Et de dicter, oui. Ouais. Voilà. Doctrine. Doctrine, dicta, dictature... Dictature spirituelle. Dogme. Dogme, bien sûr. C'est une façon de parler, en fait. La doctrine. C'est un truc... la Bible, c'est quelque chose... C'est une invention humaine, on va dire. D'accord. D'accord. Oui. Qui perdure et qui... C'est comment... C'est un objet. Un objet. Qu'est-ce qui est un objet ? La Bible. La Bible, c'est... Alors, personne ne sait ce que c'est la Bible. En tout cas, les personnes présentes ici, on ne sait pas c'est quoi la Bible parce qu'on ne l'a pas lu, on a lu quelques pages. Et c'est tout. Il paraît que c'est un livre composé de 66 autres livres. Et pour connaître la Bible, il faut l'avoir lu. Donc, si on ne sait pas, on répond qu'on ne sait pas. Si on croit qu'elle enseigne l'amour, on répond qu'elle enseigne l'amour. Si on croit qu'elle enseigne le droit chemin, on répond aussi. Si on dit que notre livre, c'est le Coran, eh ben on dit « je ne sais pas ». Voilà, ah, la bonne réponse, c'est je ne sais pas. Que, oui, je sais il y pas. Il n'y a qu'un prêtre qui peut nous répondre. Ou bien... Et encore. Bien, Exactement, parce que ce sont les catholiques qui sont interdits de se marier. Chez nous, les orthodoxes ont le droit d'avoir des femmes. Les prêtres, ils ont le droit d'avoir leur femme, une seule et unique. Donc, la meilleure religion, c'est la mienne. C'est la mienne aussi. C'est la nôtre. La religion rastafarienne, et oui, toujours là. Brouba Sidja, moi je suis là. Dis-lui qu'on l'appelle. Du monde des Martin animaux, Baclan. De la résurrection. Il veut pas ? Je sais que ça existe. C'est violent le nombre de personnes qui prennent des chiens en ce moment à la maison. Il faut faire attention, les animaux vont se rebeller. Ça va être une colère de la race africaine. Ce qu'on appelle vraiment la race hitlérienne africaine, c'est les chiens, c'est les lions, c'est les éléphants. Je disais hier. Et quand ça je vois, il y a du monde à la télé qui je passe. Drague. Je vois les animaux qui débarquent dans draguer. La ville et on serait tout petit en fait. Réponds-moi, déjà, je on peux a perdu draguer. Une abeille, on a perdu une fourmi. Oui. Mais s'il y avait les vrais lions, s'il y avait draguer, les vrais éléphants dans la rue, je pense qu'on ferait moins les malins. Je te drague. Attends, on écoute, on parle pas tous à la fois, sinon on comprend pas. Il parle non, mais un truc là, c'est... intéressant. Là. Moi, c'est le truc, je te dis, c'est Jumanji. C'est un film qui m'a marqué l'esprit quand j'étais gamin. Et l'ont refait là pour les plus grands. Les animaux, ils sont dans un jeu, et si les animaux rentrent dans le jeu, on met des éléphants, on met des lions dans la rue, il n'y a plus personne, tu vois. On appelle le service ou quoi ? On appelle Attends, le service. On écoute Magaya qui est en train de parler un truc très intéressant, je trouve. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. En fait, là, je suis en train de parler des animaux. Les animaux, ils prennent le dessus sur la planète, tu vois. Ah en bon fait, ils sont en mode rébellion, tu les trouves animaux. Non, mais moi, je te dis, ils sont énervés. Il y a la résurrection, et la résurrection, elle passe par l'intérieur de l'animal. Et l'animal, il est furieux en ce moment. Il a la rage. Il mange des bébés, il fait des trucs. Mais de nous fou. Sommes l'animal le plus dangereux qui existe sur Terre, l'homme. Voilà, on est en direct. Ah, c'est bon, on avait changé de pile. Là, il y a Dr Serra qui va nous parler de gastrosophie. Quoi ? Je peux présenter Dr Serra ? Oui, tu peux présenter Dr Serra. Mesdames et messieurs, l'homme tant attendu pendant tout au long de cette émission, je vous le présente en personne. Dr Serra de Bondy, Villeval, psychiatrie en France. Dites-nous bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour les amis. J'ai une mission très délicate parce que je fais une psychiatrie qui pense à l'écologie, qui pense à l'air qu'on respire, qui pense à la nourriture qu'on mange. Bonjour mademoiselle. fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je suis content de vous voir. Bonjour, docteur. Bonjour. Non, c'est moi qui vous dis bonjour. Ah, bonjour. Bonjour. Moi, je suis votre classique cette année, je crois. Merci. Merci beaucoup. Vous avez fait une bonne sieste. Je vous trouve bien reposé. Vous êtes sur mon YouTube, mais vous ne savez pas encore. Non. Si, j'ai déjà vu des vidéos avec vous. Bon, on le laisse parler. On va laisser parler. On va me laisser parler. Longtemps, attendu, on le laisse parler. Non, je dis des choses qui sont toujours les mêmes. Je vous remercie de votre patience, de m'écouter radoter. On vous attendait. Hein. Et donc, mon dada est le suivant. La santé mentale passe par... Avant tout. Une bonne hygiène. Arrête de couper mon micro. Mais laisse parler. Non, mais elle me coupe la parole, là. Mais oui. Mais possible. Tu attends depuis le début. Elle a un trouble psychiatrique, c'est pas possible. C'est pour ça que je suis là, pareil. Ah, d'accord, c'est bon. Alors, vous pouvez continuer. Et donc, il n'y a pas que les cachets dans la vie. Il y a aussi, par exemple, cette demoiselle, quand elle est un peu malheureuse, elle dit « je vais aller manger une glace ». Et ça s'appelle la gastrosophie. La gastrosophie, c'est de se nourrir l'esprit avec des bons aliments qui sont agréables au goût et qui montent à l'esprit comme une belle couleur rose. Vous voyez ? Parce comme la glace à la fraise. Comme la glace à la fraise. Et donc, je pense que ça fait du bien à l'esprit d'avoir un rapport à l'alimentation qui est soit un rapport, disons, un peu courtois, qui soit un rapport convivial, qui soit un rapport amical à l'aliment et à son propre corps. Alors, si vous parlez à l'aliment, il faudra améliorer la cantine parce qu'on ne mange que des steaks. Moi, je m'impose de manger à la cantine parce que je trouve que je dois manger comme vous. Mais on doit manger bon dans ce cas. Je m'adapte, je fais un effort d'adaptation et quand j'arrive chez moi, je me venge, je mange des truffes. Des truffes Docteur Seran, mesdames et messieurs, uniquement pour vous, ce radio m'étonnait à Bondy 93 France. Hein, voilà. Et donc, je vous dis, l'air qu'on respire, et là, les temps sont durs, vous voyez qu'il y a la guerre, il paraît qu'on va avoir froid cet hiver. Il faut revenir à des choses très très simples, très frugales, très économes, très conviviales et très amicales. La bonne alimentation, c'est aussi un aliment de paix entre soi et soi-même et entre soi et les autres. J'adore ce monsieur qui parle et qui râle parfois un peu, énorme gourmand. En fait, et qui mange du McDonald's. Moi, je mangeais McDonald's avant que tu sois rentré dans ma vie, c'est rare. Il a une tête de McDo, lui. Hein. Je vais t'expliquer un truc. Moi, j'ai mangé McDonald's avant que tu rentres dans ma vie. Quand tu es rentré dans ma vie, j'ai commencé à manger du caviar. Ah. Parce que quand je te vois, je te vois, à chaque fois que je te vois, je te domine maintenant. Mais c'est bien. Je veux dire, je te domine maintenant. Mais dominer, c'est un sentiment qu'on a en soi. Moi, j'ai un dossier sur toi. J'ai un gros dossier sur toi. Les keufs, quand ils parlent de moi, ils te demandent d'aller porter plainte. Moi, pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Parce que moi, j'adore les débats contradictoires. Moi, j'espère que tu vas appuyer ma demande à Doma et que je vais finir par avoir cet appartement qui est mon droit. Et après, il va vous adorer. Vu que j'ai des enfants, je voudrais au moins une chambre dedans. Oui, vous avez rappelé une chose importante. Voilà. Il est important de bien manger, mais c'est très important de bien habiter. Et voilà, d'avoir non seulement un toit sur soi, mais d'entourer de choses qui nous font nous tenir dans votre peau, dans notre chair. Je vais aller chez les frères Chahas, je vais prendre l'appartement. C'est un premier pas. C'est un premier pas. Un pas de chat. Voilà, hein? Un pas de vilain. Hein? Un pas de chat. Voilà. Donc vous commencez par le félin et vous aurez ensuite une santé de lion. Voilà. Docteur Seran, vous êtes extraordinaire. Vous avez toujours la bonne réponse à tout. Voilà. Quand il y en aura plus, j'irai le chercher aux oeufs. Docteur Seran, il est enfin là. Ouais. T'es tellement attendu. On voulait même appeler le service. Mais après, il arrive et on ne le laisse même pas parler. Tout le monde parle en même temps. Mais bon, il y a beaucoup de choses, parce que c'est la colonne gastrosophique. En fait, chacun a une colonne ici. Aujourd'hui, on a une colonne de jeux animés, de métamorphose. C'est pas grave, c'est pas grave. Métamorphose. On a la colonne de musique et création. On a Vincent Black qui fait du rap, mais là, il joue aux échecs. Il y a Barbara qui a la poésie mystique, philosophique. Il y a Jason qui fait... Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Jason ? Du rap. Vas-y, prends le micro. Vas-y, prends le micro. T'entends pas ? Du rap. Ouais, et puis tu fais du bruitage aussi. Il rappe des carottes. Ouais, il fait du son. C'est le chinois marron qui avait dit ça. Aujourd'hui, il nous a fait du son toute la journée. Ah, docteur Seran, Jason, il commence à fumer la cigarette. Il a fait un morceau à deux avec Makaya. Bravo. Il commence à me demander des tafs. Non. Yeah, yeah, yeah. Vous avez l'âge ? Il n'a pas l'âge. Il a 23 ans, ça se voit pas. C'est bien, vous pouvez commencer. C'est bon. Il faut mettre un peu de musique, là, je crois. Parce que là, pas le cannabis, hein. Non. C'est pas pour vous. On est un peu isolé. C'est pour les vieux. Ouais. C'est pour les vieux comme Dr. Seran et Martin Bacro. Le cannabis, je prescris à partir de 50 ans. Avant, c'est de la connerie. C'est pour les vieux. Ah, j'attends de vieillir. Vous attendez un peu. Comment ? Allez-y. Les calibrés. C'est qui cette chanson ? Mets-la au téléphone. Je l'ai pas. Je l'ai comment pas. Elle s'appelle ? Sofiane Montilou. Martin, vous pouvez mettre une chanson ? Oui, on va mettre une chanson. Mettez Sofiane. Sofiane va la présenter la chanson. Qu'est-ce, comment elle s'appelle la chanson ? Montilou. Mon petit loup de fianceau. Amy Winehouse, Valérie. Elle est morte, celle-là. Et Sophie, elle a demandé. Elle est pas morte. Et ça fait la la la la la la la la la la la. Des pianos à queue dans la boîte aux lettres. Et des oubliettes au fond de la cour. Ça, c'est la version a cappella. T'as pas l'autre version ? Eh ben, on laisse. Vous avez une belle voix, madame. Stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Did you have to go to jail? But your house ain't up for sale. Did you get a good lawyer? Hope you didn't catch a thing. I hope you find the right man who'll fix it for you. And now you're shopping. Anywhere, change the color off your hair. And are you busy? And did you have to pay that fine that you were dodging all the time? Are you still dizzy? Since I've come home, well, my body's been a mess. And I miss your ginger hair and the way you lie today. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. 150 chansons. Why don't you come on over, Valerie? Valerie. Oh non, comment Valerie. Je chante fou. Merci d'avoir mis docteur. Valerie. Enfin. Au bout de 6 mois. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think about all the things what you're doing and in my head I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess and I miss your tender hair and the way you like the day. Won't you come on over and stop making a fool out of me? Oh, why don't you come on over, Valerie? Valerie, Valerie, Valerie. Il est Radio Métanoïa, il est 17h42 et on a entre tous les colonnes qu'on a aujourd'hui inventées, toutes les chroniques, s'ils nous laissent parler. Il y a Frédéric aussi qui parle de l'âme humaine, qui va nous présenter un livre qui est tout à l'heure il nous parlait, qui me semblait super intéressant. Si vous êtes, elle dit que c'est le seul qui a lu de sa vie, mais je sais qu'il a lu plus parce qu'il a une culture incroyable. Mais Frédéric, est-ce que tu veux nous présenter le livre? Alors bonjour à tous déjà. Et ce livre parle. Ce livre parle tout simplement d'un homme qui en 76 Oui. Avait une petite vingtaine d'années. C'était un rapatrié du Maroc, de par ses parents et la guerre qui s'est passée en Afrique du Nord. Comme un peu moi qui avait mon père qui était d'origine tunisienne, d'origine sicilienne en Tunisie, né là-bas, et ma mère en Afrique. Lui, c'était identique, sauf que ses parents étaient au Maroc. Enfin bref, soit. Donc le Maroc, comme vous savez, il y a une vallée qui fait que sur 25 km de large, 250 km de long, dans cette vallée, ils font pousser ce qu'on appelle de la cannabis. Cette cannabis sert de thérapie, malheureusement pour certains. Qui fait que cet homme a pris l'initiative un jour, de par lui-même quand il a été rapatrié en 62 avec ses parents qui ont été obligés de partir par cette guerre froide qu'il y a eu en 62. Excusez-moi pour la question, c'est qui cet homme ? C'est un homme, un anonyme. Voilà. Un homme qui, en plus de surcroît, pendant cette guerre froide, a eu un œil percé par une explosion de bombe qui fait qu'enfant, il a eu un œil percé. Donc il était borné. Et en fait, ce type, en 76, quand il a eu un certain âge, donc il a décidé de repartir au Maroc. Dans des années où cette guerre froide et cette déchéance humaine s'était calmée, plus ou moins calmée. Ce qui fait que quand il est reparti là-bas, il a pris l'initiative d'aller voir tous ces gens qui cultivaient ce cannabis. Et ce cannabis, en fait, les gens qui le cultivaient ne se faisaient pas d'argent avec, en fait. Ils n'en vivaient pas. Ça ne leur servait pas à vivre. Ça ne leur apportait pas d'argent. C'était tous les mafieux locaux qui leur prenaient et qui venaient nous les vendre en Europe et ailleurs. Et donc, du coup, cet homme, pour aider tous ces paysans de la petite et grande Kabylie, on va dire, puisque le Maroc et l'Algérie et tout le restant faisaient plus ou moins partie de ces zones montagnardes, enfin bref. Et donc, du coup, cet homme, quand il est parti là-bas, qu'il a été voir ces gens, il a vraiment été déçu de s'apercevoir qu'il y avait des gens de ville, des citadins maghrébins, qui les mettaient à l'amende pour nous exporter toute cette drogue. Et donc, à un moment, il savait que les Français avaient des stocks d'armes dans les déserts, dans les maquis, en fait, algériens, marocains, tunisiens, dans les montagnes. Cet homme a été voir donc tous ces paysans qui cultivaient eux-mêmes normalement, enfin qui se nourrissaient de leur culture et non de ce cannabis, ce qu'on appelle du shit en anglais, qui veut dire merde, qui n'en est pas forcément pour certains qui la maîtrisent. D'autres, je vous déconseille fortement d'y toucher. Au cas où vous auriez envie, c'est la mort qui vous attend. Cérébrale déjà, enfin bref. Pourquoi vous nous quittez comme ça là? Et qui fait que donc cet homme, quand il est arrivé là-bas, il a fait ce qu'il avait à faire, donc il a été voir ses paysans. Ses paysans, donc du coup, il les a rendus un peu téméraires, plus téméraires qu'ils ne l'étaient. Il les a fait devenir un petit peu plus guerriers que paysans. Qui fait qu'ils ont été cherchés ensemble avec des, enfin ils ont été cherchés ensemble avec des moyens du bord de l'époque, toutes ces armes. Qui fait que tous ces paysans se sont armés, et quand ces types venaient les mettre à l'amende pour venir chercher la canne par tonne, par tonne, et ben voilà, ils ne pouvaient plus les mettre à l'amende parce qu'ils étaient armés. Qui fait qu'ils leur tiraient dessus, ils se faisaient la guerre. Et arrivé un moment, ils ont eu plus ou moins un gain de cause. Ce type, lui, après, derrière, il s'est barré, il a fait sa vie, il est parti à Bombay, tout le restant, et il s'est fini en Turquie, il en est mort. D'accord. Voilà. Hein? Le cannabis rentre dans l'histoire. Le cannabis, oui. C'est vraiment une plante qui pousse depuis, on peut dire, des milliers d'années. En rapport avec cette histoire que tu nous disais avec ce monsieur. Alors, en rapport à cette histoire, c'est-à-dire que cette personne a permis d'épancher tout ce qui est cette drogue. Ouvrir les portes. Mais lui, son intention, c'était pas de répandre et d'épancher voilà. toute cette drogue illicite qui était dangereuse. Voilà, c'était un bon escient. Pour son cœur, c'était un bon escient. Apaiser, voilà. Reviens apaiser tout ça, machin. Voilà. C'était un bon escient. Voilà. C'était pas pour tout le bordel. Voilà. Pour qu'il y ait un échange avec les humains, pour que, comme tu dis, ils soient apaisés, tout ça. Tout simplement, voilà, un échange communicatif. Et voilà. Comment il s'appelle ce monsieur? Ah, je pourrais pas te dire son nom. C'est vrai? Si tu veux lire le livre. Tu connais bien l'histoire en plus? Bah ouais, mais je l'ai lu il y a tellement longtemps que je. Le livre, il s'appelle comment? Mais si tu veux lire le livre, il s'appelle Le Flash ou Le Grand Voyage. Flash ou Le Grand Voyage. Tu vois, il est vraiment intéressant à lire. C'est vrai? C'est toi, t'es belle. Voilà. Sur ce, messieurs, dames, ne touchez pas la drogue. C'est très dangereux. Un jour, on va. Très, très dangereux. Ça me fait penser. Dit, et ça va être super. Martin, le micro. Elle a dit un jour, on va coucher Valérie. Ensemble, elle et moi. Docteur, elle a merci dit, de l'avoir mis. On va coucher ensemble. Merci de confirmer. Et on va coucher ensemble. Attends, mais j'espère. On parle qu'il fallait pas mourir. Ça me fait penser à quelque chose. L'histoire de Frédéric, je crois. Ça me fait penser à monsieur, ma chérie. À la, ce qu'on disait tout à l'heure sur Dieu, la religion, la Bible, etc. Ça me fait penser à l'idée que... parfois, peut-être, les hommes inventent du plein pour quelque chose qui est censé être plein ou plein de mouvements. Enfin, ils inventent du plein pour combler un vide qui serait plus vérace que le plein qu'ils inventent. Donc la religion me fait penser à ça. Et le shit aussi me fait penser à ça. Les drogues, en général. Je suis d'accord avec toi, Fabien, mais on était juste avant que tu commences à parler de la Bible, qui est un sujet très sérieux. Ma copine, elle m'a dit qu'on allait coucher ensemble. Est-ce que tu confirmes? Oui, je confirme. Faites ce que vous voulez, si vous voulez. On va coucher ensemble. Et peut-être pas n'importe où. Voilà, le morceau Valérie est en fond. Avec le morceau Valérie. Voilà. Ouais. On va se sextuper. On va se sextuper. Bah Vincent, non pas Vincent. Martin, mets-moi la chanson. On va se sextuper. Aya Nakamura et Danso. Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky, c'est bon. On était en train de parler des livres de Flash. Il parlait Frédéric sur l'âme humaine. Bah, il faut changer de sujet. Et on va être passer, sérieux. Voilà, comment ça se sent. On va passer à la, l'amour entre les femmes. Sexualité. Sexualité. Mène, attention, entre les femmes, Sophie, c'est doux. Allez-y, vous pouvez en parler. Les deux femmes, c'est doux. C'est rempli de douceur, de beauté, d'excitation. Avec les deux hommes, c'est dégueu. L'as. T'as déjà essayé? Oui, j'ai déjà essayé avec deux femmes dans ma vie. D'accord. Et c'est très doux et c'est très joli. C'est vrai? Et c'est la première fois j'ai rigolé, j'étais morte de rire pendant que j'étais en train de lui bouffer le minou. C'est vrai? Mais je l'ai fait, j'ai trouvé que le goût il était bon. C'est pas vrai? Je te jure, c'est vrai. Quand tu te laves bien propre, ça y a aucun problème. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Tu lui fais plaisir, là, me fait kiff, ça te fait plaisir dans toi. D'accord. Tu sens que t'as satisfait quelqu'un. Et alors, elle faisait quelle tête? Elle était excitée, là, m'a fait l'impression. Ouais, mais quand t'as mis la langue dedans, c'était comment? C'était chaud? J'ai pas mis la main dedans, j'ai fait que la langue, moi. Que la langue, mais c'était chaud? Que la langue, oui, c'était chaud. D'accord. C'était bien chaud. C'était serré, le muscle, il convulsait comme ça. Donc, c'est ça ce que ressentent les hommes. Désolée quand ils si on vous excite. Non, mais c'est bien ce qu'elle dit, c'est bien. Mais. Et après? Et après, nous sommes léchés jusqu'à jouir. C'est vrai? Si, ah, donc, on s'est embrassé partout. Elle t'a fait un cuni aussi? Bah oui, on en a fait 69, elle m'a fait cuni, j'ai fait cuni, on s'est embrassé sur la bouche, sur les seins, les pieds. Et c'est tout. Fini avec elle? Bah ça date, hein, elle est partie, elle a déménagé. Et tu l'as laissé partir? Bah ouais. Elle s'est remariée avec Fallait un homme. Fallait pas. Elle s'est mariée avec un homme? Ouais, mais elle c'était une bille elle aussi. Hein. Donc, ok. Elle m'a attrapée dans la rue. Ouais. Et non, elle m'a pas attrapé. Elle m'a attrapé chez moi, c'est ma voisine. J'ai plus de nouvelles d'elle. Ça fait combien d'années? Ça fait plus de 10 ans, là. T'as plus de nouvelles d'elle? J'ai plus de nouvelles d'elle. Je suis sûre que tu la recroises, elle retombe dans le panneau. Elle s'est mariée pour pas dire à ses parents qu'elle était homo, on est d'accord? Non, ça m'est laissé. C'est une cubaine, wesh. Ouais, mais en vrai, elle est pas Elle est bisexuelle. Ouais, bon, elle s'est mariée pour ses parents, quoi. Non, elle s'est mariée parce qu'elle était amoureuse du mec. Ouais, amoureuse du mec, elle fait la 69 avec toi. Bah, ça le dérange pas. Mais on faisait les trucs à toi avec son mari. T'as couché avec son mari aussi? Bah ouais, au début il nous regardait, après il est venu se mélanger. Mais c'est génial! Bah ouais, c'est génial, faut pas mourir le bête. Et la deuxième alors? La deuxième c'était une copine en Bulgarie. D'accord. Oui, on était jeunes, on avait 14 ans. Non mais avec l'autre t'avais quel âge? Moi j'avais 14 ans, avec l'autre j'avais 16 ans. Ouais. Et elle avait 30. Et en Bulgarie, j'avais 13 ans, là-bas, elle avait 15 ans, elle avait déjà couché avec un mec. Alors elle m'a dit, viens, on va s'embrasser le minou, et elle m'a montré, j'ai kiffé ma race. Ah, c'est elle qui t'a montré? C'est elle qui m'a montré, celle de Bulgarie, ouais. D'accord. J'ai kiffé ma race. D'accord. Et c'est musique avec tout ça qui va avec. Mais nous, on va se sextuper. Comment ça se fait que t'es sorti avec les hommes? Parce qu'au début, au départ, c'était les hommes. Oui. Non, c'est vrai, j'étais vierge quand j'étais avec cette fille. C'est vrai que j'étais vierge quand j'étais avec cette fille. Ouais. Mais c'est l'amour, hein. Il faut... Deux hommes entre eux. Arrête de couper mon micro, s'il te plaît. Parce que là, c'est intéressant. Là. Il faut tout essayer, mais pas, il faut pas avec de mauvaises personnes. C'est génial. Oui, j'adore les femmes, elles sont belles. Vous, les femmes, vous, mon drame. Nanana. Non, j'ai jamais vécu avec une nana. J'ai trouvé une nana, mais je lui ai dit que je suis en psychiatrie, elle m'a laissé tomber. Yo. Mais en tout cas, laissez-moi, mesdames et messieurs, confirmer. Ma copine Sophie m'a dit qu'on allait coucher ensemble. Tu confirmes? Yo. Bon, on va coucher dès que je sors de Vinevrar, j'ai mon appart, je t'invite chez moi, on couche ensemble. J'ai pas d'appart là, je suis nulle part. Non, ouais? Pour faire la publicité? Yo. J'habite à Vinevrar. Mais t'as dit que t'as un appart? J'ai pas d'appart. Quand j'aurai un appart, tu viendras chez moi et on fera l'amour. Tant que je te juge, je te ferai pas juger, je vais pas te faire le jour. C'est promis, même si ça continue des heures. Sambaco. Oh, ça sera toi, ça sera plus drôle encore. Yo. Ça sera amusant. Elle était où? Oui, elle vient pas avec des filles comme nous. Non, on n'est pas dangereux, on est douce. On est merveilleux, tu as trouvé le mot. Yo. Et tu n'es pas comme moi. Tu n'es pas comme moi, toi. Elle est carrée comme un carré. Yo. Calibré. Pour toi, personnel, tu vas? Yo. Alors, t'as pas répondu? T'as pas bandé, t'as même pas bandé. Tu me donnes des doutes, matin, bateau, je suis pas assuré. Docteur, t'as bandé ou pas? J'ai des doutes sur ta sexualité. Réponds-moi. Il y en a plein qui ont des doutes sur sa sexualité. Il y en a plein qui ont des doutes sur aussi. Sera, il est pas là. Quand il viendra, ce sera plus ça. Vous avez raté quelque chose, docteur. On a fait du tantrisme, elle et moi, c'était super. Laissez-moi confirmer, mesdames et messieurs. Sophie m'a dit qu'on allait bientôt coucher ensemble. Vous l'avez déjà dit, c'est bon. C'est confirmé. Dès que j'ai mon appart, je l'invite chez moi, on fait l'amour. Voilà. Je lui bouffe le minou jusqu'à ce qu'elle a joui. Jason, il avait vive pas, l'amour! Bon. Viens prendre le micro, Sarah. Vincent, c'est ton tour. Ah non, je parle pas, moi, je parle pas. Tu vas pas chanter? Ouais, j'ai pas chanté. Oh. Docteur Sarah, il est pas là. Bon, il y a 3 minutes, il nous reste 3 minutes sur Radio Métanoïa. Merde, c'est déjà fini. Radio Métanoïa, mercredi prochain, nous attendons ici, à Villevrard 9-3, chez Docteur Sarah. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il vient de dire, docteur? Quand elle aura son appart, elle va me faire un cunilingus torride. Ça ne me regarde. De chez torride. Mais moi aussi, j'en veux. Parce que je serais tout excité. Moi, je m'occupe de la santé mentale. La sexualité fait partie d'une bonne santé mentale, donc amusez-vous. Bah, ça vient en naturel. C'est dans le sang. Vous écoutez que... Si c'est consentant, c'est oui, sinon non. Ben oui. Bah, moi, elle m'a dit qu'elle veut, ça fait 3 fois que je demande de confirmer. Ben, ouais, mais j'ai jamais brouté de minou, faudrait que... Ben, au début, on va commencer tout doucement, on va commencer par une douche. Mais nous, non, mais nous on n'a pas consenti, mais autant de douche. D'accord, c'est moi qui le fais au début. C'est toi qui je commence par te bouffer, je te bouffe les seins, les fesses, le cul. Voilà, c'est parfait. Là, c'est moi le chef, je suis contente. Un psychologue qui a parlé sensé. Tu seras dominatrice. C'est grave. Qu'est-ce que vous avez dit, monsieur le psychologue? C'est une égoïste dans le sexe, hein, docteur Serrard. Alors, attendez. Docteur Serrard, c'est une égoïste dans le sexe. Un psychologue qui va répondre logiquement et intelligemment. Quelqu'un a bandé là? Non, juste la vie que. Est-ce celui que qui le... bande, lève la main. Celui qui bande, lève la main, s'il vous plaît. Moi, je bande aussi. Des tétons. Qui bande? Docteur Serrard? Non, toi, t'es mon papa, tu bandes pas, t'as pas droit. Je vois qu'ici, il y a une bande, donc ça bande. Ça bande, voilà. Le chinois, il dit plus rien. Il reste une minute, je vous propose une minute. Il faut une minute, Radio Métanoïa. Je connais pas cette fille-là. Voilà. Je vous remercie de cette Martin Bandeson. Ouais, voilà. Martin Bandeson. Voilà. La bande sonore. Voilà. Jason, il ne s'est pas arrêté de faire de bruitage aujourd'hui. Tu es engagé pour les prochains films. Pas mal. On a besoin de toi c'est pour que tu mal, fasses Sophie, le bruit. Hein. Ouais, tu viens? Check ça. Martin Bacot, merci d'exister. Ouais. Comme merci. Dirait Dalila. Merci d'avoir bandé aussi, docteur. Merci d'avoir bandé, ça fait toujours plaisir. Ça nous remet. Voilà. Ça nous donne de la confiance en soi. Ici, c'est Paris. Ici, c'est Paris. Merci, Jason. Yo. Le flow. Yo, youpi, yo, youpi, yay. Nan, nan, nan. Ici, c'est Paris. Vive Marseille, droit au but, mais ici c'est Paris. Ici c'est Paris, on reste parisien. 9-3, surtout on est bon du noir. Il y a Mbappé qui existe d'ici. Il a fait connaître notre ville. Nous sommes connus dans le monde. Surtout grâce à Martin Bacot, mesdames et messieurs, merci. Vive la SB de Bondy aussi. Parce que on est à Bondy. On bande à Bondy. Je vous écoutais. Voilà, mais t'as pas donné ton avis, rien, ouais. Bande à part. Parce que je ne bandais pas. Ah, donc t'as pas levé la main. Bon, bah, okay, voilà. Ok. Ah, bah, c'est triste pour moi. Voilà, il n'y a pas de souci. J'ai des doutes dans ma tête, nous. Là, au niveau masculin. Voilà, là, au niveau masculin, mentir. J'ai des doutes dans ma tête. Je préfère que vous bandez qu'autre chose. Nous, on parlait des anges et des dieux tout à l'heure. Tu as changé. Brusquement. Bon, il est 18h01. Merci tout le monde. Radio Métanoïa. C'est fini. Je peux dire au revoir. Maman 2009 vous dit au revoir, mesdames et messieurs. Soyez avec nous la prochaine fois. C'est mercredi prochain à 16h30, 17h. Je ne sais plus exactement. Mais n'oubliez pas, nous sommes là pour vous amuser.